007 2007 Calif Maxis Spécial SLK CXT Remix SLK en approche C'est triste et hardcore, quand la vie veut faire d'une paire de couilles. Tu vaux la tête, il te faudra plus qu'une paire de couilles. Les temps sont durs et ça fait longtemps qu'ils le sont. Je m'en dois dans la tristesse et pour évacuer qu'ils le sont. J'ai pas le sourire, mais c'est pour la photo mes 10 ans. Et je me reconnais pas quand je revois la photo de mes 10 ans. J'ai cru en moi, et pour ça l'espoir m'a saqué. Là j'en plein désespoir, je me reconnais dans les sons de saqué. J'ai pas le moral, quand je sais que mes rêves sont décédés. Le sommet mort, j'ai créé, je grave mes cauchemars sur des CD. Je suis sur un fil, mais dans la vie faut un bon équilibre. L'espoir m'enferme, j'attends plus l'amour pour rendre mes équilibres. La solitude, c'est ce qui fait que mon rap se barre en reste. Des fois j'ai le fou rire si mes refrains tic par ES. La vie c'est court, c'est que le début, mais j'attends la fin. Moi je suis rassasié, je digère un peu et je rattends la fin. Moi je suis rassasié, je digère un peu et je rattends la fin. 2007, c'est les 7K. Moi je suis rassasié, je digère un peu et je rattends la fin. Calibre trafic, y'a rien. Moi je suis rassasié, je digère un peu et je rattends la fin. Authentique cartel, Maison, chaotique. La famille. Je suis pessimiste, je l'ai toujours été. C'est pas nouveau, les deux pieds dans le béton à part le diable. Ici personne nouveau, je suis dans le passé. J'ai jamais trop été ivre de mon temps. Mais je veux laisser ma trace en devenant légendaire comme Yves Montand. J'ai pas la rage, c'est sans doute ça qui fait que j'avance même pas. Mal aimé comme Claude, moi je me disais c'est la vie qui m'aime pas. J'ai tout foiré, moi l'échec je vis ça comme une maladie. J'ai tout foiré, tout est ma faute, j'ai tellement de mal à le dire. Galère de trop, en plus de ça le temps je vois c'est pas. Le désespoir m'écrase, bat mon visage. Tu pourras voir c'est pas la déception. J'espère très bien qu'elle s'essouera, elle filera. Ma vie est morte, j'ajoute sera bonne comme Virginie F. Je veux pas très bien, mais j'ai pas non plus la peau sur les os. J'ai passé ma jeunesse à toujours rejeter la faute sur les autres. Faut que je me bouge, sinon je pourrais m'en sortir malement. Plus les jours passent, plus j'aperçois l'échec dans les yeux de maman. Plus les jours passent, plus j'aperçois l'échec dans les yeux de maman. Sens unique, production. Plus le temps passe, plus j'aperçois l'échec dans les yeux de maman. Calibrafique, calibrafique. Plus les jours passent, plus j'aperçois l'échec dans les yeux de maman. Onzième section, EDR, ma gueule. J'ai pas le sourire, tu sais la vie je la trouve pas marrante. J'ai des trous dans les poches, tu sais la rue, retrouve pas marrant. Je suis un loser qui pense aux défaites concédées. La vie me fout la pression, moi je fais partie des mecs concédés. Toujours au B, même pour pleurer sous un temps plus vieux. Les erreurs du passé se reflèteront quand on sera plus vieux. La galère a usé la semelle de nos converses. Je parle pas à l'espoir quand le réel se mêle de nos converses. Je me rassure, en petit zone j'en ai vu des guerres pires. 07 c'est la guerre en 10 ans, j'en ai vu des guerres pires. Y'a pas de soleil, tes mains en bas tu bloques du gospel. Si je vais à la messe ce sera pas pour chanter du gospel. Je vais pas me poser sur des beats à l'harmonique à coups. Pour passer je vais pas me poser sur des beats à la Monica Cruz. Je vais m'arracher avant que des mecs t'écoutent mes phases. Dédicace à Calif et si mes remettent d'écouter mes phases. Dédicace à Calif et si mes remettent d'écouter mes phases. C'est pour mon sauce braqueur. Casse un tragique et cybermec d'écouter mes phases. Aurel Ski, Brent, le pinker. Casse un M-Side, cybermec d'écouter mes phases. Implose, illégal musique.